En ces temps où la science a tant progressé, tant aidé l'homme à appréhender mystères et secrets, en lui et en dehors. Voici qu'on me dit, dans un langage aussi net que précis, oui, le démon existe car je l'ai rencontré. Le père Mathieu est là, en face de moi, il est exorciste. Son témoignage est poignant, son réalisme ne l'est pas moins. Demandez à ceux qui ont assisté de bon gré ou malgré eux à ces exorcismes. Enfin, quelqu'un ose nous dire ce que beaucoup nous cachent. Satan rôde, saisit ses proies et les entraîne sur un terrain qui les éloigne de Dieu à tout jamais. Oui, le paradis existe, mais on n'ira pas tous. Oui, l'enfer existe. À nous de résister à l'emprise des tentations qu'il sème sur notre chemin, dans l'espoir d'assister à la victoire finale, celle où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. Père Mathieu, merci de nous recevoir en votre compagnie, chez vous à Besançon. Vous êtes supérieur du couvent des Capucins, vous êtes philosophe théologien, vous êtes professeur de droit canonique, et enfin et surtout, vous êtes exorciste. Et professeur de théologie morale. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai été surtout sollicité, voyez-vous, c'est pour ça que je vous le signale. Parce que lorsque Monseigneur Lallier, qui était archevêque de Marseille à l'époque, m'a demandé d'être exorciste, on me l'a imposé sans que je l'ai demandé. J'étais à ce moment-là supérieur du couvent de Marseille, lorsqu'un soir, à 6 heures, un coup de téléphone m'apprend que vers les 7 heures, je recevrai la visite de deux messieurs qui viendraient pour les exorcismes. Naturellement, j'ai fait un bond au bout du fil parce que je ne m'attendais pas à la chose. On ne m'en avait jamais parlé. Alors j'ai dit à l'abbé Dumény, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, comment, personne ne vous a rien dit? Je lui dis non. Il dit, mais mon père, alors dans ce cas-là, regardez mon intervention comme intempestive et par conséquent, je n'ai rien dit. Il s'est trouvé un petit peu attrapé, n'est-ce pas? Alors je lui dis, ben ça ne fait rien, mais enfin, vous m'avez tout de même un peu surpris. Mais... Il me dit, ben, ne tenez compte de rien, c'est fini, on ne parle plus. Mais 5 minutes après, c'est Monseigneur Soin, vicaire général, qui me téléphonait. Et qui me dit, mon père, on fait des excuses, là, nous avons disposé de votre personne sans même vous en parler. Mais enfin, écoutez, on regrette bien, mais c'est fait, quoi. C'est ce qui est fait, fait. Je dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben voilà, nous avons eu à... étudier en compagnie de nos théologiens et surtout avec les médecins deux cas un peu extraordinaires relatifs à des messieurs originaires du Liban. Et ces deux cas ont été étudiés pendant 2 ans de concert et la conclusion a été formelle, il s'agit de 2 cas de possession. Devant ce fait, l'archevêque, Monseigneur Lallier, a dit, ben c'est bien, puisque c'est la décision, puisque c'est la reconnaissance officielle, et maintenant nous sommes obligés de nommer quelqu'un pour s'occuper de ces pauvres malheureux, n'est-ce pas? Alors qui allons-nous désigner pour s'occuper de ces cas-là? Alors Monseigneur a réuni le conseil épiscopal, et vous avez été désigné à l'unanimité. On vous en a pas parlé, mais enfin c'est fait. Alors je lui dis, je regrette que vous ne m'en ayez pas parlé parce que je n'aurais pas accepté, étant donné que je n'ai pas les capacités voulues. Je n'y connais rien, je n'en ai jamais fait. Alors ils m'ont répondu, mon père, vous avez été professeur de théologie morale, et par conséquent, vous avez enseigné la chose, vous en connaissez autant que les étudiants, autant que les autres. Évidemment, n'est-ce pas? D'autre part, dans le droit canonique, il en est question. Vous êtes canoniste, par conséquent, vous pouvez vous en occuper. J'ai dit, ben oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'expérience. Il m'a dit, mais avant de commencer, personne n'a l'expérience. Enfin, vous voyez, moi, finalement, quand j'ai dit, ben oui, mais je n'ai pas ce qu'il faudrait pour pouvoir faire ce travail-là, on dit, mon père, si vous êtes dans l'obéissance, il n'y a pas de doute que le bon Dieu suppléera ce qui vous manque. Un point, c'est tout. Vous parlez de travail. Il faut accepter. En quoi consiste exactement le travail d'exorciste? Le travail d'exorciste, c'est la lutte menée contre la présence de Satan pour chercher à le décrocher de la personne ou des choses qu'il possède, qu'il détient, sur lesquelles il a de la puissance, pour libérer cette personne, libérer ces lieux, libérer tous ceux qui sont victimes ainsi de l'intrusion diabolique. Mais comment peut-on définir un cas de possession? Comment est-ce que l'Église définit exactement? Quels sont ses critères pour dire ce monsieur est exorcisé, ce monsieur est un cas de possession? Les critères sont nombreux parce qu'on ne peut pas se contenter simplement d'une crainte de possession diabolique. Pour être exact, il faut se rappeler, n'est-ce pas, que dans les consignes données par l'Église, pour les possessions, elle nous demande de n'agir qu'avec beaucoup de prudence. Par conséquent, d'avoir le maximum de certitude sur le cas. Et on l'obtient en faisant une petite enquête, qui peut quelquefois durer pendant quelques temps, sur le cas qui vous est présenté. Ou bien ça a déjà été étudié par les médecins, comme pour moi quand on m'a nommé, n'est-ce pas? Alors on a en face de soi quelque chose de net, parce qu'une décision qui est prise de concert entre les théologiens d'un diocèse et puis les professeurs de psychiatrie ou les médecins psychiatres, il n'y a pas d'hésitation à voir, bien sûr. Le cas que vous me posez, regarde par exemple un cas de possession qui m'est présenté directement par les malades eux-mêmes, voyez-vous. Alors là, donc, ce sont les malades qui avouent être possédés. Ils ne savent pas. Mais ils viennent parce qu'ils disent, je n'ai plus que ce recours. Étant donné que quand on vient chez moi, c'est parce qu'on a épuisé d'une façon absolue tous les moyens humains de se libérer du mal dont on est la victime. Les malades qui viennent ici pour me demander des discours, ce sont des malades qui ont vu 20, 30, 50, 100 médecins, chirurgiens compris. Et qu'ils leur répondent, votre cas, il est mystérieux parce que, voyez-vous, tous les médecins commencent un traitement, puis au bout d'un certain temps, ça ne fait rien, on en recommence un autre, on les renvoie à un autre médecin, il faut faire des analyses, etc. Si bien qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, les malades sont exactement la même chose. Inguérissables, et puis absolument hors de tout soin de la part des médecins, parce que ce qu'ils font, puis rien, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, ils cherchent une délivrance d'un autre côté, comprenez-vous? Alors ils disent, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais vous avez des médecins qui, ayant la foi chrétienne, sans être évidemment, ou sans être versés dans ces questions-là, qui disent, écoutez, ce que vous devriez faire, c'est de voir un prêtre. Il faut voir un prêtre. C'est peut-être de ce côté-là que vous aurez une transformation. Et vous en avez, moi je pense, assez grands exercices que j'ai eu à faire ici, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent et qui me disent, mon père, voilà, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je vous donne un cas typique, n'est-ce pas? Voici. Mon père, avec son épouse, je suis malade et je viens vous voir. Parce que tous les médecins que j'ai vus n'y peuvent rien. Je lui dis, mais vous êtes malade depuis combien de temps? Ce monsieur était malade depuis 5 ans. Il a vu tous les médecins d'Orléans. Il en a vu de Paris, il en a vu d'un peu partout. Il a même été visité par les chirurgiens. On l'a ouvert pour regarder la vésicule biliaire, il n'y avait rien. Tout ce qu'il a eu, c'est simplement des essais de soins sans aucun résultat. C'était un industriel. Cet homme me dit, mon père, voilà, je souffre depuis 5 ans. Puis il dit, mais à quelle occasion avez-vous commencé à souffrir? Ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. J'ai été malade, illico, et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Sans jamais rien trouver, les médecins n'y comprenaient rien, je n'ai absolument rien d'organique. Et cependant, je souffre terriblement. Le cas est plus typique que d'autres, bien sûr. J'ai été plus rapide dans ma conclusion. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié qu'il était converti. Alors je lui ai dit, mais avant votre conversion, qui date de 5 ans à peu près, que faisiez-vous? J'étais toujours industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. J'ai fait de la magie pendant toute ma vie. Et depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal, en cherchant à le faire, et j'ai voulu m'allier avec Satan, disons le mot, pour jouir de la vie le mieux possible. Et j'ai été vraiment exaucé. Quand on parle de magie, on parle aussi de gens qui font bouger des tables, qui jouent aux cartes. Oui, ça, c'est de la petite magie, mais je parle moi de la magie noire. Oui, celle qui nous met directement en rapport avec les esprits supérieurs, avec le démon. Ne faut-il pas être soi-même supérieur pour être en rapport avec des démons supérieurs? Est-ce que n'importe qui peut faire de la magie noire et être en rapport avec le diable? Je peux dire qu'en pratique, c'est pas nécessaire d'être... Tout le monde peut se donner au démon. Le démon répond à l'appel de ceux qui lui demandent. De même que le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à ceux qui le demandent, Satan ne refuse jamais son aide, puisqu'il a reçu de Dieu la permission de tenter l'homme jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui permet à l'homme de choisir d'une façon très positive son salut éternel, ou bien sa perte éternelle. Satan n'agit pas toujours directement, heureusement, parce que la providence tout de même ne lui permet pas tout. Mais le bon Dieu, mystérieusement pour nous, permet quelquefois que le démon intervienne directement dans la vie de l'homme, à l'appel même de l'homme. Alors votre malade avait, lui, durant toute sa vie... Lui, celui-là, il avait pendant de nombreuses années, soit il avait 52 ans à l'époque, eh bien, il avait fait le mal et toujours avait succès. Alors je lui ai dit, dans ces conditions-là, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'hésitation à vous dire qu'en face de cette impuissance des médecins, en face de l'impuissance de tous les soins que vous avez reçus à être soulagé, après l'aveu de votre vie de, comment dirais-je, mixité avec le démonisme, n'est-ce pas, avec la magie, il y a bien des chances pour que le démon soit là. Et je vais commencer tout de suite les exorcismes. Je n'ai pas hésité une seconde, voyez-vous. Pour d'autres, on attend davantage, on a des recoupements, voyez-vous, on s'arrange de façon à avoir un maximum de certitude. Notez également que le bon Dieu nous donne des grâces un petit peu spéciales. Il arrive évidemment que le bon Dieu nous laisse sentir, de toute façon, comment vous expliquer cela, moi je ne sais pas l'expliquer, bien sûr. Mais on arrive que le bon Dieu nous donne de sentir la présence du démon. Il y a un malaise qui se produit, il y a quelque chose qui est tout à fait en dehors de l'expérience humaine, qui nous oblige presque à conclure que Satan est là. Pour cet homme, ça n'a pas été nécessaire, et j'ai fait l'exorcisme, qui a duré depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir. En général, ça ne dure jamais tellement plus longtemps. 3 jours. Ça dure 3 jours, ça dure. Il n'est pas encore complètement délivré. Ça fait combien de temps qu'il est venu? La première fois qu'il est venu, il y a au moins 7-8 ans. Mais dans Monseigneur Christiani, vous verrez des cas qui ont duré plus de 30 ans et qui ne sont pas terminés. Alors comment ça se passe? Bon, alors, donc vous avez décidé que... Alors j'ai décidé. Il a d'abord été, évidemment, comme vous êtes là, et moi j'ai récité les prières, les grands exorcismes. Faut y mettre toute sa foi, faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Et à la première séance, qui a duré 2 heures, le vendredi après-midi, rien d'extraordinaire. J'ai recommencé le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, et le soir, avant qu'il s'en aille, alors je lui dis, alors maintenant, à la fin de ce premier contact, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il m'a répondu, mon père, oui, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus ce que j'éprouvais, mais j'ai senti nettement la présence du feu. Je dis, bon, c'est bien, alors il faudra revenir. Je voulais avoir une petite confirmation, voyez-vous. Il est revenu un autre week-end, toujours le vendredi soir, en restant le samedi et le dimanche. Cette fois-là, quand ça a été terminé, avant de partir, je lui ai demandé de nouveau, alors qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois-ci? Mon père, l'enfer. J'ai eu l'enfer dans le ventre. Vous voyez la différence qu'il faisait, lui, entre son mal de ventre, deuxième chose, le feu, troisième, l'enfer. Il donnait par conséquent cette sensation, quelque chose d'atroce, voyez-vous. Quand en fait, il avait plus mal après qu'avant encore. Ah, beaucoup plus. Puis il est parti. Il est revenu dans une autre chose. Et alors, à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions, il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher. Et complètement, comment dirais-je, complètement dans le coma, si on peut s'y parler. N'ayant plus ni sa connaissance, n'ayant absolument plus rien. J'ai fait tout l'exorcisme normalement. Toujours par des prières? Toujours des prières, je n'ai jamais fait d'autres. Je m'en tiens strictement au rubrique. C'est absolument rien de moi-même. Alors, ce brave monsieur, n'est-ce pas, au bout de 2 heures d'exorcisme, on attendait qu'il revienne à lui et il mettait une demi-heure, 3 quarts d'heure pour revenir normal, redevenir normal. Et vous, la chaleur commençait à revenir par les bras, on sentait la chaleur qui commençait à descendre. C'était même assez angoissant au départ parce que on se demande ce qui va se passer. Et puis, la deuxième fois que s'est produit ce phénomène, dans un autre voyage, il s'est endormi, mais toutes les muqueuses se sont mises à marcher. Par conséquent, dans ce coma qui était le sien, il pleurait, il bavait, enfin, on laisse deviner tout le reste. D'ailleurs, à la grande stupéfaction de sa femme, n'est-ce pas, qui est obligée d'aller acheter du linge et des vêtements. Alors, c'est resté comme cela. Et puis, quand est arrivé de cette année-là la fête de Noël, il est venu également dans les jours qui ont précédé. Seulement, quand il est arrivé, il m'a simplement dit, mon père, je lui ai demandé ses nouvelles, lui, comment allez-vous, etc. Mais mon père, ça ne va pas. J'ai mal dans le dos, mais c'est quelque chose de terrible. Et j'ai mal dans le dos depuis qu'on a pris la décision de venir. Ah, j'ai dit, attention, mal dans le dos, on n'avait jamais éprouvé ça, jamais. Et le ventre, moins. Mais j'ai très mal dans le dos. Alors je lui ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons monter à Bougeaille, chez les sœurs de Bougeaille qui ont le don de remettre les colonnes vertébrales. Elles m'aident beaucoup dans mon travail et je voudrais bien lui montrer ce que vous êtes. Je voudrais bien qu'elle regarde elle-même si il y a quelque chose d'organique chez vous ou bien si ça vient d'une cause étrangère. Parce que ça, elle le saura. Nous sommes partis, il y avait de la neige, un petit peu de neige. J'étais en savate, quoi. Et nous sommes arrivés chez Téléphone Douceur, bien sûr, tout de suite. Elle nous attendait. Et quand on est arrivé, alors j'ai dit à la sœur, il faut la regarder tout de suite parce que je voudrais savoir. Alors elle l'a regardé dans son petit laboratoire. Quelques minutes après, elle est ressortie avec lui en me disant, mon père, il n'y a absolument rien à la colonne. Elle m'a dit, au point de vue strictement organique, il y avait. Elle m'a dit, il y a quelque chose ici, au grand sympathie. Alors j'ai dit aux sœurs, bien, puisqu'il en était ainsi, nous allons faire l'exercice tout de suite chez vous. J'aimerais bien que vous soyez là. Alors j'avais ma trousse qui est ici. Cette trousse où j'ai des l'exercice, la vraie croix, la chair avec des d'ars, du premier cercueil de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, etc. Voyez-vous, j'ai des reliques vraiment ainsi. Alors, on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée de leur maison. Il y avait dans l'angle un petit hôtel, avec les images de la Vierge. Et alors les sœurs s'étaient mises, une de chaque côté de lui, était assis sur une chaise. Moi je m'étais mis devant lui avec sa femme et la demoiselle qui s'occupe des enfants qu'elles ont en garderie pendant le cours de l'année, mais qu'elles n'avaient pas le jour là parce que c'était vacances à cause de Noël qui approchait. Et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques, n'est-ce pas, sur son front, il s'est mis à hurler. Non, non, non, surtout pas ça, pas ça, pas ça. Alors qu'il avait perdu connaissance tout de suite. Parce que ça se commence, c'est toujours la même chose. Dès que je voulais commencer l'exorcisme, immédiatement il tombait dans le coma. Alors ce jour-là, il était tombé dans le coma. Et à la grande stupéfaction de tout le monde, il s'est mis à hurler ça. Alors là, j'ai dit, écoutez, c'est certainement il y a quelque chose. Et la sœur m'ajoute à ce moment-là, mon père, ça bouge. Il tenait les reliques, il me dit, ça bouge. Je dis, ça y est, c'est là. Il est là. Ça n'y est pas tout. Je le tiens maintenant, c'est la première fois que je peux le saisir ici. Alors, j'ai changé de côté, je suis allé par derrière. Et puis j'ai continué l'exorcisme. Au premier signe de croix que j'ai fait, à l'endroit même où il criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher. Il a été projeté, arraché de sa chaise, et projeté à travers le bureau des sœurs contre un harmonium qui était le long du mur. Renversant les deux religieuses, renversant sa femme, puis la demoiselle qui roulait dans la salle. Et sa femme avait même le poignet démi. Pensez d'un soubresaut, n'est-ce pas? Moi, j'ai été un petit peu surpris, et puis surtout, j'ai eu un petit moment de frayeur quand même, parce qu'il avait frappé avec une telle violence l'harmonium qui se trouvait en face, n'est-ce pas, que je dis, il a la tête brisée, quoi, il n'y a rien à faire. Je me suis précipité, en crâne absolument d'attaque, bien sûr. Puis il était par terre, il était allongé, les deux poings tout prêts à frapper. Il me criait, mon père, ne touchez pas, attendez, il faudrait bien qu'on le touche, bien sûr. Alors, les sœurs ont d'abord remis le poignet de la dame, bien sûr, puis alors après ça, ben, mon père, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on va continuer. Seulement, vous n'êtes pas assez forte pour le tenir, il faut appeler du monde. Et comme nous nous trouvions à Bouchaille, où le curé, qui est un très bon prêtre, avait toujours dit, oh, je crois au démon, ça, il n'y a pas de doute, mais... J'ai peine à croire aux exorcismes, j'ai peine à croire qu'on puisse faire quelque chose. Je lui ai dit, ça serait le bon moment pour lui de voir ce que c'est qu'un exorcisme. Allez le chercher. Alors ce brave curé est venu, n'est-ce pas, mais plus blanc que neige. Car dire je ne crois pas aux exorcismes, c'est une chose. Mais quand on est confronté avec la chose elle-même, ça change de note. Il est arrivé un petit peu en tremblant. Elle me dit, mon père, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ben, vous allez nous aider, monsieur le curé, pour l'exorcisme. Je suis même très content que vous soyez là, parce que comme vous n'y croyez pas, vous croyez aux démons, mais enfin, vous ne croyez pas au reste, vous allez pouvoir lutter contre cette chose-là avec beaucoup plus de force que la blessure. Je compte sur vous beaucoup plus. Oh, il m'a dit, mon père, mais c'est cet homme. J'ai dit, oui, c'est cet homme. Mais c'est pas possible. Je lui dis, mais regardez-le, c'est tout, je voudrais que vous vous rendiez compte de son état. Alors il s'en va, puis il lui prend la main qui était un petit peu soulevée, n'est-ce pas? Quand il a vu que tout l'homme bascule en même temps que la main, n'est-ce pas? Il l'a lâché, il me dit, mon père, mais c'est épouvantable. J'ai dit, vous avez déjà une première manifestation. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, vous allez m'aider à le remettre au milieu de la salle, et puis on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais recommencer les exorcismes. Et le pauvre curé tremblait. On le met sur le tapis au milieu de la salle. Et alors, j'ai dit, mais monsieur le curé, tenez-le bien. Alors il me dit, très nerveux, il me dit, mon père, soyez tranquille, je le tiens, ça ne risque rien, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Il y avait les sœurs qui le tenaient aussi, il y avait sa femme, il y avait la jeune fille, ils étaient cinq. Alors j'ai dit, mais écoutez, tenez-le bien, parce que c'est pas si sûr que ça que vous allez pouvoir le tenir. Oh, c'est pas possible. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme au premier signe de croix. Il aura échappé complètement, mais il est monté au plafond. Mais comme un bolide, n'est-ce pas? Ouf! Projeté en l'air. Alors qu'il était couché par terre, il s'est retrouvé debout, la tête à ça du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée, comme quand on monte un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un tableau de la Vierge, il a été repoussé en arrière, tout le monde l'a vu, repoussé en arrière, il a retourné sur lui-même, et il est retombé comme une masse au pied du curé. Alors un petit peu malicieusement, je dis, monsieur le curé, mais je croyais que vous alliez bien le tenir. Alors il me dit, mon père, mais c'est pas de ce monde. Jamais j'aurais pensé des choses pareilles. Alors il me dit, vous ne me direz plus la même chose. Il me dit, mais alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai dit, mais monsieur le curé, on va continuer. Mais comme on ne peut plus faire comme ça, vous allez chercher le maire du pays qui habite pas très loin de la cure. Je les ai vus tout à l'heure quand on est rentré chez les sœurs. Il rentrait chez lui avec son frère et son beau-frère. Et comme ce sont trois malabars, vous allez les chercher pour tenir le brave homme. Et c'est avec ces trois hommes-là qui sont venus également, affolés d'avoir à s'occuper d'un truc comme ça, alors qu'ils en avaient déjà entendu parler par les sœurs, voyez-vous. Si bien que j'ai eu ce jour-là, cette succession de témoins qui ont participé à tout ça, eh bien, je les ai eus sous la main. Évidemment, quand on a voulu continuer, tout de même, je leur ai dit, écoutez, il faut tout de même que nous soyons sages, je vais continuer l'exercice pour le terminer, mais je ne veux pas provoquer Satan, parce que il était 8 heures du soir, j'étais en savate, c'était le monsieur qui conduisait sa voiture, c'est pas moi, voyez-vous, et il fallait qu'on redescende à Besançon. Alors je dis, bien, nous allons finir, mais alors tenez le bien quand même, parce que je ne voudrais pas que... Alors j'ai terminé l'exercice. Les trois messieurs en ont été pour une bonne suée, n'est-ce pas, ils ont mouillé leur chemise jusqu'à la gauche, hein, pour le maintenir, pour le terminer. Il n'y a pas eu de manifestation violente après, parce qu'ils l'ont empêché, en ce sens qu'il n'y a pas eu cet appel, comment dirais-je, une force brutale. Ça a été réservé au lendemain, car c'était le lendemain dimanche, le Noël était un mardi, et... Le dimanche matin, alors nous avons refait les exercices ici dans la chapelle. Seulement, j'avais pris soin de téléphoner à nos amis. J'avais une douzaine d'hommes, dont un inspecteur des renseignements généraux, qui était tertiaire de Saint-François, mais qui était venu voir aussi, et qui sont venus pour m'aider. Une douzaine d'hommes, hein, c'est sûr. Alors, on a fait ça au cœur, dans le sanctuaire, dans l'hôtel. Nous l'avions attaché, parce que ces messieurs n'y croyaient pas non plus. Alors ils m'ont dit, mon père, comment est-ce que nous allons faire de mes côtés, nous allons l'attacher. Quand ils ont vu que j'avais apporté des cordes en nylon de cette grosseur-là, dans les deux, j'ai demandé à l'inspecteur des renseignements généraux de l'attacher. Alors ils l'ont tenu, mais quand j'ai voulu commencer l'exorcisme, il était complètement perdu, complètement dans le coma, rigide comme de l'acier, froid comme la glace, etc. Alors les messieurs étaient tout de même surpris, mon père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'exercice que je faisais, c'est Satan qui provoque toutes ces misères. Alors ils l'ont tenu bien sûr, mais également, le premier signe de croix que j'ai fait, il leur a échappé. Les cordes sont tombées, il est parti dans l'espace, n'est-ce pas? Ils ont fini par le raccrocher, ils n'ont plus. Ils l'ont étendu par terre. En le tenant et maintenant, voyez-vous, je n'ose pas dire en brutalité parce que c'est un examen, mais enfin, c'est tellement violent les mouvements qu'il faut y mettre également toute la force pour pouvoir lutter contre. Alors, j'avais mes religieux qui sont tous venus assister, c'est une séance qui est une séance tout à fait publique, et quand il a été maintenu par terre, étendu sur le dos, et que j'ai voulu recommencer des exercices, je leur ai dit, ben, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'assiedent sur lui. Parce que comme c'était des malabars, ben, j'ai dit, avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Alors je leur ai dit, ben, nous bougeons lui et commençons. Alors on commence l'exercice, et au bout de quelques minutes, les voilà qui se mettent à hurler, les hommes. Et ils se mettent à hurler, quoi donc, mon père, où va-t-on? Cet homme montait dans l'espace, avec six hommes sur lui. Il est monté à peu près à cette hauteur. Seulement eux, ils ne savaient pas qu'ils seraient en route. Ils se sont dit, on ne remonte pas jusqu'à la voûte. Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Puis il s'est arrêté, et puis il est redescendu. Toujours sur le dos. Hein. Par conséquent, sur le gros canapé, bien sûr. Puis ça a posé par terre. J'avais des hommes qui étaient livides. Des hommes qui avaient un côté livide. Seulement, dès qu'il a touché terre, il s'est mis à crier, l'homme, redevenu lui-même d'un seul coup, alors qu'il fallait une heure pour qu'il revienne à lui, d'un seul coup il était revenu à lui-même, mon père, je suis guéri. Et là, le démon m'a possédé, moi. Parce que, c'est le cas de dire, je l'ai possédé. Il m'a trompé d'une façon absolue, parce que moi j'ai cru. Si bien qu'on a arrêté l'exorcisme, puis l'homme était redevenu lui-même, heureux, vous savez, mais... Et puis ne souffrant plus rien. Je lui ai dit, mon Dieu, soyez béni de cette délivrance. Alors nous avons chanté le Magnificat et j'ai célébré la messe d'action de grâce immédiatement. messe d'action de grâce à laquelle tout le monde a communié, tous les hommes ont voulu se confesser, tout le monde a communié. Mais il y en avait qui ne pratiquaient pas, ces braves gens. J'avais fait exprès d'ailleurs, parce que je fais comme ça. Quand j'ai des cas un peu extraordinaires, je fais venir quelquefois des hommes qui ne pratiquent pas. Mais quand ils voient ce qui se passe, ils s'en vont puis ils reviennent. J'en ai une fois qui me dit comme ça. Au bout d'un moment, mon père, je m'en vais, je vais revenir. Comme s'il allait aux toilettes, n'est-ce pas? Puis au bout de 20 minutes, 25 minutes, confesser, ça va. Voyez-vous, ça rappelle à la réalité. Voilà un exemple, voyez-vous, que je vous cite. Mais il n'était pas guéri, car ça a recommencé 2 mois après. Il a fallu tout recommencer. Et c'est cet homme-là qui a servi, j'allais dire, de cobaye, il n'est pas exact, il a servi d'exemple, qui a contrôlé le professeur Allers, de professeur de psychiatrie de Besançon, qui est venu assister aux exorcismes. Avec un de mes neveux, d'ailleurs, qui est professeur de médecine aussi ici, et qui l'avait amené. On voit dans le film L'exorcisme des combats entre l'exorciste et le patient, des combats de l'eau bénite de lancer. Oui, bien sûr. Dans les séances qui ont eu lieu après, où il y avait par exemple M. Allers, eh bien, il l'a vu, n'est-ce pas? Quand je lui ai fait constater l'état du malade, etc., qu'il a vu, il l'a palpé, il a été bouleversé, il m'a dit, mon père, j'ai jamais vu ça, bien sûr, je n'ai jamais vu ça. Et alors, dans les exorcismes, n'est-ce pas, l'Église nous fait demander, par exemple, le nom du démon qui possède la personne. Quand il sera délivré, de donner la date, de donner des explications, de donner des... Eh bien, le nom pour ce brave homme, je ne l'ai jamais pu l'obtenir. Jamais. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous répond? Ah ben, il me répond, il y a une bonne sœur qui m'a répondu, Lucifer. Parce que vous avez aussi exorcisé une bonne sœur. Ben, bien sûr. Eh oui. Oh, mais ça arrive, n'est-ce pas? C'était une juive convertie, cette religieuse. Mais quand j'ai demandé le nom, c'est pas au premier exorcisme, attention. C'est au bout de 2 ou 3. Elle est restée 15 jours ici, cette sœur. Je l'ai eue tous les jours, matin et soir. Bien, quand elle a, la première fois qu'elle m'a répondu, bien, je me rends en pleine figure, là, Lucifer. Ça impressionne aussi. Ça, je ne vous le cache pas, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la personne qui parle. On ne reconnaît pas sa voix. Mais avec M. Leleuf, n'est-ce pas, quand il était ici, lorsque j'ai demandé, j'aurais voulu absolument qu'il me donne le nom, surtout pendant que le docteur était là, je lui ai commandé c'est au nom de la Sainte Trinité, je lui ai commandé c'est au nom du cœur de Jésus, au nom de la Sainte Vierge, etc. Je lui ai ordonné ça, je ne sais pas, peut-être 100 fois. Toutes les fois, c'était la même réponse, c'est non, non, je ne le dirai pas. Mais alors, dans une figure tellement ravagée, et surtout les yeux, ce jour-là, les yeux étaient vraiment incandescents. J'étais presque sur lui, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, on est un petit peu électrisé, je ne sais pas comment dire, n'est-ce pas? On est soi-même sous le coup d'une force qui dépasse nos forces humaines. Eh bien, j'avais là les 2 yeux de cet homme qui me fixait. C'était 2 brasiers, ni plus ni moins. Le docteur de Allers, que j'ai appelé, qui a regardé, s'est détourné, mon Dieu. Il s'est retiré. Voyez, alors, nous avons là des manifestations totalement différentes. J'ai eu, pour ce brave homme, des délivrances réelles. Car il y a eu une manifestation, par exemple, qui s'est produite devant le docteur Allers, il a été témoin des choses. Lorsque j'ai demandé le nom, n'est-ce pas, à un moment donné, au lieu de demander le nom, j'ai pensé à demander le nombre. Des choses extraordinaires, il m'a répondu, milliards. Moi, j'ai été un petit peu soufflé, bien sûr, j'étais stupéfait, je n'ai rien dit, mais il me donne ce nom, et puis quelques instants après, le voilà qui commence à étouffer. Sa gorge s'est mise à gonfler, sa tête a gonflé, se violacé, La langue s'est sortie, les yeux dilatés. Tout le monde me disait ici, mon père, il va mourir, il étouffe. Alors j'ai pris mon sel béni, n'est-ce pas, un simple petit grain que j'ai lancé dans cette bouche ouverte, n'est-ce pas, énorme. Immédiatement, il est redevenu normal. Tout a cessé. Mon père, je suis guéri. J'ai dit, mon cher ami, nous allons remercier la Sainte Vierge. Alors devant tout le monde, avec tout le monde, on a récité le Magnificat. Quand ça a été terminé, alors il me dit, mais mon père, il faut me détacher. Ah, j'ai dit, le démon m'a eu une fois, à l'église, encore pas deux. Il n'est pas parti, c'est pas vrai, c'est pas vrai, ça. Ou tout au moins, il y en a encore. Je recommence, tout a commencé. Et alors, certainement, hein, c'est été revenu aussi rapidement que c'était parti. Il est revenu de la glace, l'acier, etc. Puis, toujours au même endroit, dic micinomentum, aut numerum, répond 9. Et le même phénomène de strangulation s'est produit. J'ai repris du sel béni, lui lancé dans la bouche, il est redevenu normal. J'ai recommencé, mon cher ami, et quand au même endroit, quand je lui ai demandé dic micinomentum, il m'a répondu 3. Même phénomène de strangulation. J'ai recommencé, il m'a dit 2, j'ai recommencé 1, j'ai jamais pu en sortir. Je bute au dernier. C'est dernier quoi, c'est dernier démon? Oui, qu'est-ce que c'est la prince de l'enfer, il n'y a pas de doute. Je n'ai encore pas pu le déroger. Pas plus d'avant son nom. Ce que vous nous racontez, c'est-à-dire qu'on est carrément dans notre monde. Ah ben c'est un autre. Vous parlez des princes démons comme on parlerait de. Ah oui, parce que vous savez que les démons, ce sont des anges révoltés. Or l'Église nous enseigne, après les docteurs de théologie, n'est-ce pas, puis surtout d'après l'Écriture, parce que l'Écriture en parle, Saint Paul en particulier, il y a 9 cœurs des anges. Il y a les anges. Au-dessus des archanges, au-dessus des trônes, au-dessus des dominations, etc. Voyez-vous, jusqu'aux chérubins et aux séraphins. Dans ces 9 cœurs des anges, il y a eu des révoltés. Et Lucifer était un des princes des anges, ça n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'était même le plus beau, puisque c'est l'Écriture qui dit Lucifer, l'être de lumière. Il entraînait derrière lui des anges de tous les ordres. Alors quand vous avez affaire à eux, leur puissance varie. Et le bon Dieu les a laissés en partie avec leur puissance. Avec leur intelligence, avec leur science, ils manquent de la grâce divine, ça y est partout. Et puis ils sont sous l'emprise de la volonté divine qui ne permet à Satan que ce qu'il veut bien lui permettre. Mais il ne permet jamais ce qui va être une catastrophe pour ses enfants, le bon Dieu, c'est pas possible. À moins que ce soit l'enfant lui-même qui se fasse attraper. On ne se laisse pas mordre par un chien qui est enragé, qui est attaché avec une chaîne. Il faut se tenir à distance, c'est tout. Si malgré tout vous voulez approcher, si vous faites mordre, c'est tout. Hein? C'est la même chose, ce sont des comparaisons qu'emploient les pères de l'Église d'ailleurs. Nous sommes tranquilles à ce point de vue-là. Mais le démon peut faire énormément de mal au milieu de nous. Comprenez-vous? Alors, est-ce un ange, est-ce un archange, est-ce un trône, est-ce une domination, etc. Moi, je suis persuadé que pour cet homme, c'est bien, j'ai eu affaire à des ordres différents qui ont correspondu à chacune de mes soi-disant délivrances. Mais juste que j'ai cru être une délivrance définitive. Mais comme il en reste un, et que je n'arrive pas ni à le déloger, ni même à savoir qui il est, je suis obligé de conclure que c'est certainement un des princes de l'enfer. C'est une conclusion que je tire. Je n'en ai pas l'évidence absolue parce que le bon Dieu ne m'a pas donné de le voir avec mes yeux, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on sort de ces moments de lutte-là, ben je vous promets qu'on est content de se reposer. Hein? Est-ce que vous avez déjà dû combattre corps à corps avec un... Ah non, corps à corps, non. Le bon Dieu peut permettre que Satan vous atteigne à travers des objets. Oui, ça. Recevoir une pierre, recevoir une chaise sur la tête, etc. Voyez-vous, ça peut arriver. mais il ne permettra jamais, moi c'est comme ça, je ne l'ai jamais constaté d'ailleurs autrement, il ne permettra jamais que vous soyez blessé, que vous soyez dans vos œuvres vives de vie. Évidemment, s'il vous attrape comme ma petite sœur Josefa Menendez, n'est-ce pas, dont vous avez peut-être lu la vie, eh bien, elle a été prise par Satan et puis mise dans des positions vraiment normales, dans des placards, dans des endroits où c'était impossible que la petite sœur ait pu s'y loger. Comprenez-vous? Alors là, le démon ne peut prendre. Oui, d'accord. Moi, je dois dire que pour moi, personnellement, je n'ai jamais souffert de ça. Parce que je pense que dans ce travail d'exorcisme, je suis un délégué de la puissance divine contre Satan. Comprenez-vous? Alors, il n'y a rien à faire, le bon Dieu ne me permettra pas. Seulement, si jamais je fais des choses qui ne sont pas conformes aux rubriques, et puis qu'il m'arrive quelque chose, il ne faudra pas que je me... Parce que si je ne suis pas dans l'obéissance à l'Église, je n'ai plus ma protection. Parce que moi, pour moi, c'est absolu, ça. Tant que je suis dans les mains de l'Église, tant que je suis dans l'obéissance à l'Église, dans le respect le plus absolu de toutes les rubriques qu'elle donne, là, je dis, il n'y a rien à faire, il ne me peut rien. C'est pas possible. Une chose qui m'aiderait, d'ailleurs, c'est lorsque vous parliez de ces gens qui participaient un petit peu, qui assistaient à l'exorcisme. Je croyais qu'il fallait être en cercle privé, je veux dire, le prêtre, l'être à exorciser, et puis point. Que tout spectacle, non, puisque vous avez les exorcismes publics. C'est prévu, ça, dans l'Église. Vous voulez dire de plusieurs personnes Non, à l'Église, en public, devant une foule, en prière. Au Moyen-Âge, ça se faisait comme ça, en grande partie. Et je crois d'ailleurs que dans l'interprétation du code de droit canonique, la réserve qui est faite au sujet des exorcismes est surtout faite pour cela, pour les exorcismes publics. On n'a pas le droit de le faire en public sans une autorisation spéciale de l'Église. Oui, pour ne pas que ça dégénère en spectacle. Voilà. Et que par le fait même, le démon trouve des complicités, voilà, de curiosité dans l'assistance. Et par conséquent, provoque des désordres. Qui sont encore plus. Des interprétations diverses, évidemment. Les uns pour, les autres contre. Évidemment, ça y est pas de doute. Est-ce qu'on peut photographier les exorcismes? Ça existe des photos d'exorcismes? Il y en a pris, on en a pris, bien sûr. Les photos sont bonnes? Oui. Mais on voit l'homme, c'est tout. On le voit dans... Vous voyez l'homme dans sa crise. Oui, dans sa crise, bien sûr. Ça a été pris comme un... Il y avait la cassette, il y a eu le cinéma en même temps. C'était une prise de vue complète. Mais il avait filmé la chose. Oui. Puisque conférences, M. Sanchez en a parlé, et il emporte avec lui sa cassette et ses bandes. Après tout ce que vous venez de nous dire, Père, on a l'impression de se trouver dans un autre monde, dans une autre galaxie. C'est très exact. Mais il y a bien des choses, n'est-ce pas, qui viennent de notre ignorance. Il y a d'abord une chose qui est certaine. C'est que la présence de Satan dans le monde, c'est pas seulement dans le monde moderne, comme le dit Mgr Christiani, dans son livre « Satan dans le monde moderne », c'est bien le titre, Satan, à l'heure actuelle, est sur terre autant que dans les enfers. Car l'apôtre saint Paul nous déclare, ainsi que saint Jean dans l'Apocalypse, qu'au terme de leur bataille dans le ciel, saint Michel et Satan et Lucifer, avec les anges, les bons anges et les mauvais, la lutte s'est terminée. Dans cette défaite de Satan qui a été chassé, nous dit l'Écriture, donc la parole de Dieu, sur terre et dans l'atmosphère. Tous les démons ne sont pas en enfer. Faut bien savoir cela. Nous n'avons pas l'air d'y penser, nous n'avons pas l'air de le croire, et cependant, pendant des années, le pape Léon XIII nous a fait réciter la prière à Saint-Michel au pied de l'autel, après la messe, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Repoussez en enfer, ça prouve qu'il n'y est pas. Puisqu'on ajoute qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Faut savoir ça. Parce que Satan, c'est pas nous qui sommes dans un monde nouveau. Nous sommes dans le monde où le bon Dieu nous a mis. Et pourquoi sommes-nous avec Satan sur ce monde? C'est que quand le bon Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme son enfant. Il lui a donné la grâce de la vie divine, n'est-ce pas? Bon. Mais comme Satan était déjà sur terre, puisqu'il avait déjà été vaincu par Saint-Michel à l'heure de la bataille, qu'a fait le bon Dieu? Il a créé l'homme sur terre en le prenant de l'aliment de la terre, mais au lieu de le laisser dans le royaume de Satan, il l'a mis dans un paradis, le paradis terrestre, qui était réservé à ses enfants. Et quand l'homme a désobéi au paradis terrestre, il a été chassé du paradis pour être mis où? Avec l'autre révolté, Satan. Et cela doit durer, nous dit l'Écriture, jusqu'au jour où la rédemption du matériel, la rédemption de l'humain, nous l'avons chanté encore il n'y a pas très longtemps, serait accordée. Car la rédemption des âmes est faite, mais la rédemption complète de toute la création n'a pas encore été faite. Le règne de Dieu n'est pas encore établi. Notre révolte, en fait, ne vient-elle pas du fait que Dieu nous ait permis de choisir entre le bien et le mal, le permis d'être libre. Il ne nous a pas permis d'être libre, il nous a fait le don de la liberté. Il fallait bien que Satan, dans ces cas-là, qu'il ait révolté. Ben non, ce n'est pas nécessaire. Satan pouvait. Il entre en cause, bien sûr, dans notre salut éternel, parce que Dieu permet qu'il agisse sur nous pour essayer de nous entraîner dans le péché. Bon, Dieu peut permettre cela. Mais il nous donne toutes les grâces nécessaires pour repousser les avances de Satan. Comprenez-vous? Il y a des pécheurs au paradis. Sainte-Marie-Madeleine, c'est parce qu'elle est la reine des pécheresses. Elle a tellement bien répondu à l'appel divin que, si vous le remarquez, lorsque notre Seigneur a ressuscité, il est apparu d'abord à sa mère, qui est la pureté conservée, et en deuxième analyse, à Marie-Madeleine, qui est la pureté retrouvée. Maria Valtorta, dans ses livres, nous dit qu'elle a retrouvé sa virginité dans sa pénitence et dans son amour. C'est énorme, ça, pour une pécheresse comme Madeleine. C'est nous qui sommes, qui abusons de notre liberté. Voyez-vous, on ne sait pas du tout ce qu'on dit, n'est-ce pas? Parce que on confond cette liberté avec la possibilité de pécher. La liberté ne consiste pas à faire le mal. Elle consiste à avoir toute notre volonté pour faire le bien. L'objet de notre volonté, c'est le bien. Nous avons été créés pour faire le bien. Notre élément de vie, c'est le bien. Tant que nous sommes dans cet élément, faire le bien, nous jouissons d'une liberté absolue pour le faire. Nous pouvons abuser d'une possibilité matérielle pour en sortir, d'accord. À ce moment-là, nous perturbons absolument tout. Le poisson dans l'eau est-il libre? Dans l'eau. Le poisson. Je vous pose la question, répondez. Oui. Évidemment. Et tant qu'il est dans son élément, eh bien je vous prie quoi que vous aurez de la besogne à le prendre à la main. Hein? Mais s'il en sort de cet élément, est-ce qu'il peut en sortir, le poisson? Vous n'avez jamais vu un poisson sortir de l'eau et puis tomber sur le pré qui est à côté? Eh oui, il en a la force, puis qu'il remonte les barrages. Mais s'il en sort, il crève. L'oiseau dans l'air, est-ce qu'il est libre? Ah, sûrement. S'il plonge dans l'eau puis qu'il sorte de son élément qui est l'air et non pas à l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. L'homme a été créé pour aimer le bon Dieu tant qu'il est dans cette véritable atmosphère qui est celui où il s'épanouit comme enfant de Dieu, à ce moment-là, il est dans une liberté absolue. Il mérite et il aime son père de tout son cœur. S'il en sort, j'allais dire, il crève. Il meurt. Parce qu'il sort de son élément. Alors parlez-nous de la mort un petit peu. Parlez-nous de cette notion que quelques-uns dénigrent à l'heure actuelle, et même certains prêtres d'ailleurs. Cette notion de l'enfer ou du paradis. Hein. Les chansons qui vous disent nous irons tous au paradis, même moi, etc. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Mais on doit en penser ceci, c'est que on a fait abstraction absolument de tout le plan divin sur la création. Le bon Dieu a créé le monde pour sa gloire et pour notre bonheur. Notre bonheur passe en seconde dans la volonté divine parce qu'il ne peut pas ne pas vouloir ce qu'il est. Il est infini. Il ne peut pas vouloir quelque chose de fini par lui-même, comprenez-vous? Mais alors, c'est en nous qu'il retrouve sa gloire. Il nous a créé pour ça. Mais il y a tout de même cette loi générale, c'est que le bon Dieu n'a pas voulu que nous ayons cette récompense éternelle sans l'avoir méritée par un acte d'amour. Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse prendre dans son paradis quelqu'un qu'il n'aime pas? C'est pas possible ça. Alors il le rejette? C'est pas lui qui le rejette, c'est la personne qui se détourne. Moi, quand j'arriverai devant le bon Dieu, supposez il y a un instant que je sois révolté contre lui, je vais dire, Seigneur, vous allez me châtier. Mais je ne vais même pas lui dire cela. J'aurai, moi, voyez-vous, par suite de mon état d'âme intérieur, toute la force de la répulsion qui va me chasser du paradis. C'est le damné qui se damne. Ce n'est pas Dieu qui le damne. Mais seulement, il faut qu'on soit d'autre côté, parce que de l'autre côté, on connaîtra le bien et le mal sans aucune défaillance. À l'heure actuelle, ce qui fait que le bon Dieu est tellement miséricordieux à notre égard, c'est que nous sommes susceptibles d'être trompés. Lorsque Satan, lui, a eu la tentation, après sa création, il n'avait comme moyen de connaissance que les idées mises par Dieu directement dans son esprit. Voyez-vous? Il n'y avait pas d'erreur possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui puisse provoquer une erreur. Pour nous, ce n'est pas la même chose. Les connaissances nous arrivent du bon Dieu, d'accord, mais à travers tous les sens de notre corps. Moi, je ne connais les choses que par mes yeux, que par mes oreilles, que par ma langue, que par mes mains, que par mes pieds, etc. Comprenez-vous? Alors, ces sens-là peuvent me tromper. L'illusion, ce n'est pas ça vraiment. Ça peut arriver, comprenez-vous? Alors, étant donné que nous pouvons être trompés, et que notre intelligence ne peut être atteinte par cette erreur, et à plus forte raison notre volonté à cause du plaisir qui peut s'y trouver, le bon Dieu a été miséricordieux pour nous à cause de cette source d'erreur dans laquelle nous pouvons être. Pour Satan, il n'a pas pu le faire, ça, parce que Satan a eu de la connaissance du bien et du mal d'une façon. Comprenez-vous? Alors, nous, ce sera la même chose tant que nous sommes sur Terre. On est susceptible, évidemment, de se tromper. Il y en a tant qui se trompent, parce qu'il y en a tant qui commettent le péché. Mais en face de Dieu, c'est fini. Alors, si nous mourons dans le mal, volontairement, notre dernier acte de volonté va s'inscrire dans le mal. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus sortir. Tout à l'heure, vous disiez que les possédés du démon étaient des gens qui, en fait, étaient trop près, trop à la limite fréquentés, si je puis me permettre le terme, fréquenter le diable, le chercher. En principe, oui. À le côtoyer. Je reviens toujours à ce film parce que, à la limite, c'est la seule référence qu'on peut avoir. Mais d'accord. Il s'agit d'une gamine qui a, disons, à tout casser, 10 ans, 12 ans. Attention, ça, c'est le roman. Le véritable fait historique, c'est un garçon. Me dites-vous? C'était un garçon, ce n'était pas une fille. Mais d'avoir mis une petite fille en vedette, c'était plus croustillant. Vous avez compris? Bon. Maintenant, les préparatifs de cette possession ont été faits dans un climat de magie, de sorcellerie, car dans le roman, on parle de toutes ces manifestations de table tournante, de spiritisme, n'est-ce pas, que tous les gamins pratiquent un peu à l'heure actuelle, voyez-vous, et qui ont progressivement fait glisser ce garçon dans la magie, et dans l'appartenance à Satan. Et vous, ça c'est... Comment peut-on concevoir qu'à 10 ans, qu'à 12 ans, vous soyez... Il faut être attiré, je veux dire. Donc il faut déjà peut-être... Non, mais ça ils en faisaient dans la maison. Les parents en faisaient. Et expliquez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer le Satan? Qu'est-ce qu'on peut... Comment ça se passe, ça? Mon pauvre ami, vous avez tout le spiritisme. Vous avez les tables tournantes, vous avez toutes ces choses-là, qui apparemment sont des choses anodines, mais que tous les saints ont banni d'une façon terrible, parce que ça, c'est la première amorce de la présence de Satan. C'est du magnétisme, c'est scientifique, ça, maintenant. C'est... Mais bien sûr que non. La table tournante, c'est... Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, mon pauvre petit, c'est là où ce sont des misérables ceux qui vous disent ça. Il y a un an, trois garçons et une fille, et tous plus intenses, attention, pas des gamins, sont arrivés ici, en trombe. Ils ne savaient même pas où était la porte du couvent. Ils sont allés à toutes les portes avant de trouver la bonne, parce qu'ils étaient tellement épouvantés. Ils ont sonné là, le frère est allé leur ouvrir, il me dit, il y a quatre fous dans la salle, il faut aller voir. Quatre fous. Mais j'arrive ici, je les trouve, vous savez, trempés comme des feuilles. Ils venaient de faire du spiritisme. Ils venaient de faire taper des verres. Moi, j'ai jamais vu ça. Taper les verres sur la table, au lieu de faire taper la table par terre, voyez-vous. Mais ils ont failli recevoir tous les verres à la figure. Ils sont arrivés ici épouvantés, ils m'ont dit, mais mon père, mais c'est épouvantable des choses comme ça. Regardez, mes enfants, ça prouve que vous avez été un petit peu fort aussi, certainement, n'est-ce pas? Parce que Satan vous a répondu à la mesure de vos désirs. À telle enseigne que je prétends que le magnétisme, c'est une science, d'accord. Le magnétisme humain, c'est une chose, c'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord. On arrive à guérir par le magnétisme humain, d'accord. Mais il faut que ce soit dans une pureté de moyens qui soient solides, c'est-à-dire l'utilisation unique du fluide humain. Si vous y faites entrer des signes kabbalistiques, des formules kabbalistiques en particulier, toutes ces choses qui sentent plus ou moins près le spiritisme, le magnétisme, etc., alors à ce moment-là, c'est fini. Pour les guérir, c'est fini. Ça, j'en ai tous les jours. Voyez-vous, le problème, c'est même, après ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est pas le problème, quand on entend parler de sorcellerie, les sorciers aussi arrivent à faire des choses. Mais bien sûr. Invraisemblables. Alors, où se trouve, si vous voulez, la ligne de démarcation? Elle est dangereuse. Elle est dangereuse à franchir, mais elle est toujours reconnaissable en ce sens qu'il y a des formules qu'il faut retrouver, des formules kabbalistiques qui donnent sur certains pouvoirs à certaines formules. Alors, ceci m'amène à vous dire simplement ceci, c'est que Satan, c'est le singe de Dieu. Vous y croyez à ça? Satan cherche à nous tromper pour tout ce qui concerne le bon Dieu. Et il a cherché à se faire adorer comme un Dieu, il le cherche encore. Il le fait par conséquent tout ce qu'il faut pour essayer d'être pris pour Dieu, comprenez-vous? Alors, le Christ a son Église, Satan a son Église. Le Christ a ses saints, Satan a ses adeptes. L'Église a ses sacrements, Satan a ses formules magiques, ce sont ses sacrements. Et de même que la grâce est produite par le sacrement institué par le Christ, c'est par le fait même. quand vous versez l'eau sur la tête d'un petit enfant en disant je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce, la vie divine descend de cette âme d'enfant. Comprenez-vous? Lorsque vous utilisez les formules que Satan, avec ses suppôts, a mis sur pied en promettant sa participation, si vous utilisez ces formules, c'est exactement comme les sacrements de l'Église, mais à l'inverse. Mais comment se trouver ces formules-là? Est-ce qu'il y a un petit bouquin? Il y a tous les bouquins. Oh, le grand Albert, le petit Albert, le dragon rouge et tout ce que vous voudrez, ça, c'est, il y en a plein. Il y en a plein les costumes de gare à l'heure actuelle, jamais ça n'est aussi répandu que maintenant. C'est pour ça que la diablerie s'est multipliée à la vie. Combien de malades exorcisez-vous chaque année? Mon petit, voyez-vous, des grands exorcismes? Pas tellement. Il y en a, bien sûr. Et je suis loin de les avoir tous, attention. Puis je suis loin de pouvoir les exorciser tous, parce que je suis très limité tout de même dans le temps et dans mes forces. Comprenez-vous? Je ne peux pas faire ça du matin jusqu'au soir, du soir au matin, moi. Parce que c'est épuisant, il n'y a pas de doute. Bon. D'autre part, les vrais possédés, nous ne les décelons qu'après tout de même un certain temps. Et puis, ils n'ont pas la possibilité de venir comme ils le voudraient. Comprenez-vous? Par conséquent, ça limite énormément le nombre des grands exorcismes. Maintenant, vous avez les petits exorcismes, que j'appelle les petits exorcismes, c'est les exorcismes à distance. Parce que dans mon âme et conscience, au départ, lorsque j'ai eu travaillé déjà pendant quelques temps, n'est-ce pas, je disais, c'est malheureux, il y a des personnes qui sont atteintes, je ne peux pas les prendre parce que je suis pris, parce que j'ai déjà d'autres personnes, alors il y en a qui sont plus favorisés que d'autres. Bon, d'autre part, quand on vient ici pour des exercices pendant quelques jours, voilà l'hôtel. Il faut dépenser de l'argent, par conséquent. Ceux qui n'en ont pas. Alors je dis, mon Dieu, alors, les riches peuvent se faire soigner, puis les pauvres ne peuvent rien avoir, c'est le contraire. Alors vous êtes venus d'abord pour les pauvres, alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, ça ne peut pas aller, ça. Mais d'un autre côté, tu es bête, parce que quoi? Il n'y a pas de distance pour le bon Dieu, il n'y a pas de distance pour Satan, il n'y a pas de distance pour la grâce. Il n'y a pas de distance lorsqu'il s'agit d'un vie surnaturel. Par conséquent, les exorcismes à distance doivent valoir. Et je les ai faits, sans même me demander si ça passait ou pas. Lorsque j'ai découvert, parce qu'il faut lire, il faut tout de même. Moi, je ne connais pas tout, n'est-ce pas? J'ai été professeur, d'accord, mais je n'ai pas tout lu. Comprenez-vous? Alors, j'ai découvert, évidemment, dans les théologiens, puis je les ai retrouvés après ça facilement, quand une fois on a mis le nez dedans, n'est-ce pas? Mais que les exercices à distance étaient tout à fait féconds. J'en fais énormément. J'en ai peut-être, je ne sais pas, moi, 5 6 000 en traitement à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas non plus de limite à la force de Dieu dans l'exorcisme. On peut exorciser aussi 10 000 personnes à la fois qu'une personne. Il n'y a pas de raison que ce soit limité à une personne. Mais est-ce que ça prend plus d'énergie? Est-ce que ça pompe à la limite? Ah, ça, alors c'est une autre affaire, bien sûr. Le bon Dieu peut permettre que ça ne fasse rien, à la limite. Comme il peut permettre qu'on y donne toute sa vie. Ça, alors, c'est une question d'ordre vraiment, j'allais dire, personnel, notre bon Dieu, puis nous. Oui, à ce propos, justement, dans les évangiles, il est écrit, rien n'est plus beau que de laisser aller pour celui qu'on aime, mais je reviendrai au film, encore, donc, l'exorcisme, quand on voit le prêtre qui, à la fin... Oui, a donné certainement sa vie. Bon, alors, expliquez-nous un petit peu... spirituellement, quelle est cette relation entre le fait de donner sa vie pour supprimer les souffrances de quelqu'un d'autre? Non, c'est pas tout à fait ça. Le prêtre exorciste, le prêtre qui était là, c'était même pas celui qui était l'exorciste officiel, c'était l'autre. Celui qui était l'exorciste officiel, il est mort d'une crise cardiaque pendant les exorcismes. Mais l'autre, il s'est jeté par là, il a été précipité par la tête, puisqu'il a brisé, les volets. Ils ont pris mort au combat. C'est un homme qui a eu la grâce d'offrir sa vie à notre Seigneur Jésus-Christ, mais en acceptant d'être possédé à la place de cet enfant. Dieu a ratifié son enfant. Mais, certainement, supposé que ce soit exact, les faits tels qu'ils étaient, ce prêtre-là est allé en paradis directement. Parce qu'il a fait le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Donc il est possible en fait de prendre sur soi mais bien la souffrance de quelqu'un d'autre. Notre Seigneur Jésus-Christ qu'a-t-il fait? Il a pris sur ses épaules mes péchés, ceux du Père et les vôtres. Et il est mort sur la croix. C'est le plus grand acte d'amour qu'il puisse se donner. Il nous l'a donné comme ça. Il nous le donne tous les jours dans la Sainte Eucharistie. Moi, quand je le tiens ce matin encore pour la fête, pour ce premier samedi du mois, comme il y a pour le premier vendredi du mois, je dis, mon Dieu Seigneur, il n'y a pas là, j'offre un sacrifice. Un acte d'adoration infini, un acte d'amour infini, une réparation infinie. Seigneur, les pécheurs, moi je les veux. Donnant, Seigneur, je vous offre cela. Mais tu oses me dire ça. Mais Seigneur, qui c'est qui m'a ordonné prêtre? C'est votre Église. C'est vous qui m'avez appelé, c'est pas moi. C'est vous qui m'avez tout donné. On ne donne pas un jour ou un enfant sans qu'il puisse s'amuser avec. Quand ce sont des choses aussi graves que celles-là, vous les mettriez entre les mains de vos enfants pour ne pas qu'ils en servent. C'est pas possible, ça, Seigneur. Puis on s'étonne après ça, les conversions qui se produisent. Mais on les arrache au cœur de Dieu. On ne peut pas faire autrement, c'est pas possible. Puis bon, je ne peux pas dire non. Mon Dieu ne peut pas dire non, mon petit. C'est que il est lié, il s'est lié lui-même. Il s'est lié lui-même, c'est ça. Il a pris des engagements. Alors à l'égard de Satan, moi je suis. Il n'y a pas de doute, je dis, il n'y a pas de doute. Nous jouons gagnant tout le long. Ce n'est pas visible toujours. Pourquoi le mon Dieu ne permet-il pas que ce soit visible? Ça, c'est son seul, c'est son mystère. C'est comme ça. Quel intérêt le diable s'obstiner alors qu'il est démasqué? Les ordres dans le quartier, il en restait plus que 3, plus que 2, plus qu'un. Il est démasqué, il s'obstine. C'est le prince du mal en particulier, le prince de l'orgueil. Il ne veut pas avouer qu'il est vaincu. Il tient. Qu'est-ce qu'il faisait en face du Christ lorsqu'il était, avant d'aller se jeter dans les ports du lac de Génézareth, alors qu'il était dans... Ils étaient légions là dans la... Seigneur, mais pourquoi viens-tu nous tourmenter maintenant? Il ne voulait pas partir. Alors la grâce toute-puissante de la parole du Christ les a chassés, ça c'est certain. C'est la même chose, comprenez-vous? Mais le démon peut s'opposer à nous de façon... peut-être un petit peu plus puissante, pourquoi? Parce que, ou bien nous manquons de foi, ou bien nous manquons de charité, etc. Il y a des quantités, il y a des déficiences aussi chez le prêtre. Moi, je ne suis pas parfait. Et quand je sens que ça a de la résistance davantage, je me dis, c'est de ma faute. Si j'étais un saint, ça ne serait pas comme ça. Puis je me console quand même, parce que je dis, Padre, puis il y en avait d'autres, et puis il n'a pas toujours réussi. Alors je dis, ma foi, c'est mon père. J'y ressemble. Et je vous dis, tu y ressembles, je suis un peu de foutu. C'est permis de lire dans le métophone. Celle qui me semble la plus caractéristique pour les exercices. Ben oui, ils sont à latin. Nous n'avons pas de traduction française. Vous connaissez par cœur. Si vous m'obligez encore à faire. Ce que vous pouvez faire, Père, c'est d'en lire. Ici, par exemple, n'est-ce pas? Je te commande, qui que tu sois, esprit immonde, et à tous tes compagnons qui assiègent cet enfant de Dieu, ce serviteur de Dieu, cette servante, puisque c'est une femme. Afin que par le mystère de l'incarnation, de la passion, de la résurrection et de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, par la mission de l'Esprit Saint, dis-moi ton nom, le jour et l'heure de ton départ. Et la prière ajoute, n'est-ce pas, comme alico signo. Et je demande un signe à Satan. Le signe de son départ définitif. Et d'une façon générale, je lui demande de souffler les sièges qui sont. Il les souffle. Satan vous a déjà, par l'intermédiaire évidemment de la voix du malade, Satan a répondu l'heure du départ. Et le jour du départ. Oui. Vous saviez. Ça arrive, oui. ou bien il ne dit pas, mais il part. Mais il donne le signe, c'est-à-dire le signe de son départ. C'est les Saint Franciscains de Dijon, tenus par exemple. J'ai aussi des cas où j'ai eu des témoins. Parce que quand je suis tout seul, ça n'a pas de charme, absolument. Mais quand il y a des témoins, c'est une autre affaire. Chez les sœurs de Dijon, à la rue du Bois, 7, numéro 7 rue du Bois, la supérieure, mère Marie-Cécile, elle m'a supplié de faire des exercices chez elle pour qu'elle puisse y être, en être témoin. Je l'ai fait pour une Portugaise. Et j'ai ordonné à Satan de m'indiquer le jour, l'heure, etc. Alors, il ne m'a pas répondu. Mais dans le cours de l'exorcisme, un peu après quelques invocations, je pense que c'est peut-être une heure après d'avoir donné cette injonction-là, ton signe, mais tu l'auras ton signe, oui, tu l'auras. La mère supérieure, qui avait entendu les exorcismes en latin, n'avait pas compris ce que j'avais dit. Elle me dit, quel signe? Qu'est-ce que c'est que ce signe? J'ai dit, mais ma soeur, quand il partira, il a soufflé la lampe du sanctuaire. Il me dit, mais il ne peut pas la souffler, parce qu'elle est électrique. J'ai dit, ben c'est les électriques, c'est la lampe qui sautera, c'est tout. Vous croyez? J'ai dit, ben c'est comme ça. Et du moment qu'il me dit que j'aurai le signe, la lampe du sanctuaire, il faut bien s'en préparer une pour remplacer celle-là. Il me dit, ben ça par exemple, c'est trop fort. Le soir à 6 heures, le matin, on n'a pas pu détacher cette bonne femme qui est restée attachée dans le lit où on l'avait exorcisée, dans la tribune de leur chapelle. Alors elle avait pensé même ne pas dire la messe de communauté dans la chapelle, là, c'est la présence de cette sonneur de manifestation. Elle voulait faire ça dans une grande salle, n'est-ce pas? Elles n'ont pas eu besoin de faire ça, parce qu'avant 6 heures, la sacristine était à la chapelle, les sœurs étaient vers la malade. Tout d'un coup, un coup de tonnerre, boum! Toute la lampe du sanctuaire a sauté. Et la bonne dame qui s'est mise à dire, ça y est, je suis délivré, je suis sauvé, il faut me détacher, je vais m'en aller. Voilà une des prières, des ordres formidables qu'on donne au départ. Au départ. Alors après ça, vous avez vu toutes les adjurations pour chasser le démon. Par exemple, c'est en latin tout ça. Ah, c'est tout en latin, oui. Je t'exorcise, c'est-à-dire je te chasse, n'est-ce pas? Immondissime spiritus, toi qui es l'esprit le plus immonde qui existe, n'est-ce pas? Toi qui es l'adversaire absolument de toutes les incursions sataniques, de tous les fantasmes, de toutes les imaginations, de toutes les légions du mal, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te fais fuir de ce plasmatélite, plasmatélite. Il y a des mots qui sont difficiles à traduire. Hein. Je te le commande d'une façon absolue, au nom des esprits supérieurs des cieux, au nom de... Oui. Et ainsi tu pries au 16. Combien de temps dure ces prières? Eh bien, le grand exorcisme, quand il est fait normalement, il dure un quart d'heure. En général, je le fais deux fois de suite. Le matin, puis si vous commencez, je pense à l'après-midi. Mais vous n'avez jamais eu, après ça, personnellement, à constater dans votre vie une sorte de vengeance des démons, dans les circonstances et autres choses. J'ai pas l'impression qu'il avait à votre égard quand même une attitude de... Il n'essayait pas de se venger. Vous ne dire... parlons pas de l'accident, ne parlons pas sincèrement, je ne sais pas si vous voulez, dans le déroulement normal, mais d'une manière plus, non. Plus frappante, d'une manière plus, non. Où vous pourriez dire, bah oui, ça, le doigt du démon est là. Non. Allez, je vais vous dire, pour m'obliger un petit peu à me découvrir, ça va vous intéresser, c'est pour l'avoir du bon Dieu. Voyez-vous, dans l'exorcisme même, moi personnellement, je suis sûr d'être là. Parce que l'Église me couvre. De façon sûre. Et puis en dehors de l'exorcisme, je suis encore, je ne vais pas dire plus sûr, mais je suis tout autant Parce qu'au lieu d'être dans les bras de l'Église, sous le couvert de l'Église, j'ai fait ma consécration à l'Emmanuel Réveillon de Montfort. Je sais que j'appartiens d'une façon absolue à Seigneur. Totus. Totus, tous. Je suis vraiment l'enfant de Dieu. J'ai fait ma consécration. J'ai fait avec les anges. J'ai fait de toute façon. Mais je sais que je suis entre les mains de la Seigneur. Même quand je suis peut-être en train de commission, c'est pas arrivé, n'est-ce pas? Donc, eh bien. Des policiers de bonne allure. Voilà. Je suis sûr d'être dans les bras de la Vierge. Je lui dis à l'autre, tiens, ça ne fait rien, il ne me s'est jamais tiré la barbe. Jamais. D'ailleurs, vous savez, je la coupe de temps en temps. Pour ne pas donner. Pour ne pas donner prise, je pense. Moi, je suis sûr que Satan ne me peut rien. Non pas pour moi, mais parce que je suis dans les bras. C'est ça. Et là, je suis tranquille. Et d'ailleurs, je ne fais rien pour en sortir. Pourquoi? Parce que quand j'irai en Paris, et j'y pense tous les jours, même bien des fois par jour, je me dis, reste bien là, parce que si tu vas être au bon endroit, à la meilleure place pour tout voir ce qu'il y aura dans le paradis, c'est dans les bras sur les genoux. Et combien de ses enfants lui demandent ça, vous dites la pauvre? Ça, j'en sais rien, je n'y pense pas trop. Vous essayez de la monopoliser, vous êtes comme un petit peu la mère des fils du tonnerre. Hein. Vous voudriez avoir une place. Je suis possessif. Oui. Non, mais enfin, voyez-vous, c'est ma vie, ça. Enfin, pour vous, père, le diable existe. Vous l'avez rencontré. Ça, c'est vrai. Je l'ai rencontré.